Les cérémonies de constitution du comité de souvenir du camarade Kim Jong-il ont eu lieu respectivement le 5 décembre à Saint-Pétersbourg, Russie et en Ukraine. Les comités ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits du général Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.